بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons بإذن الله l'explication de ce livre extraordinaire رياض الصالحين écrit par الحافظ أشرف الدين النووي رحمه الله تعالى. Et nous sommes toujours dans le premier chapitre hein, concernant Babul Ikhlas wa Ihdar al-Niyya fi jami' al-a'mal wal aqwal al-bariza wal khafiyya. C'est-à-dire chapitre concernant hein, la sincérité ou le fait de vouer son culte exclusivement à Allah hein, et ainsi que d'avoir l'intention dans l'ensemble des œuvres et des paroles, qu'elles soient apparentes ou cachées. Et nous sommes arrivés au hadith numéro 8. Wa an Abi Musa Abdillah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil rajul يقاتل شجاعة شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. Donc Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, ce grand compagnon qui s'appelait Abdullah ibn Qais, et qui était connu sous sa kunya Abu Musa, et qui venait d'où? Du Yémen. Il venait du Yémen, Abu Musa al-Ash'ari. Rapporte hein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant un homme qui combat par courage et un qui combat par nationalisme ou tribalisme et un autre qui combat par ostentation. Lequel hein, combat fi sabilillah, dans le sentier d'Allah? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est celui qui combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute. Lui est celui qui se combat dans le sentier d'Allah. Tayyib. Fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man qatala li takuna fi hadha ikhlasu an-niyyah lillahi azza wa jalla. Wa hadha alladhi saqa al-mu'allif al-hadith min ajlihi ikhlasu an-niyyah. Donc ici, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit hein, celui qui combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute, hein, ceci indique quoi? Hein, le culte exclusif dans l'intention. Le culte exclusif pour Allah. L'intention réservée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'auteur du livre, Nawawi, rahimahullah ta'ala, a cité ce hadith. Pour ce passage-là, pour la pureté dans l'intention. فَقَدْ سُوِلَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الَّذِي يُقَاتِلْ عَلَىٰ أَحَدِ الْوُجُوهَ الثَّلَاثَةِ شَجَاعَ وَحَمِيَّةِ وَلِيَرَى مَكَانَهُ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant hein, celui qui combat pour trois différentes raisons: par courage, par nationalisme ou tribalisme, et pour que hein, pour qu'il soit vu, que sa position soit vue. أما الذي يقاتل شجاعة فمعناه أنه رجل شجاع يحب القتال، لأن الرجل الشجاع متصف بالشجاعة، والشجاعة لا بد لها من ميدان تظهر فيه، فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالا ويظهر شجاعته، فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال. Donc le premier qui a été mentionné, hein, c'est l'homme courageux, hein, et qui est décrit avec le courage. Hein? Donc c'est un homme qui est courageux et qui aime la bagarre, il aime plutôt la lutte, la bataille. Il aime se battre, il aime combattre, parce qu'il est courageux. Hein? Et donc ce courage, hein, il veut qu'elle soit... Ce courage, veut, il veut qu'il ait une place que les gens voient. Et donc tu vois cet homme courageux, hein, il aime que Allah lui facilite le combat afin que son courage ressorte. Donc celui-ci, il combat, pourquoi ? Parce qu'il est courageux et il aime le combat. Al-Thani yuqatil hamiyatan. حمية على قوميته، حمية على قبيلته، حمية على وطنه، حمية لأي حسبية كانت. Le deuxième, c'est celui qui combat, hein, par, on pourrait traduire par nationalisme. C'est-à-dire, hein, il combat parce qu'il veut, hein, défendre son peuple. Ou plutôt, il veut... Hein, il veut secourir son peuple, ou alors sa tribu, ou alors son pays, hein, ou n'importe quel, hein, groupe à laquelle il s'affilie. الثالث يقاتل ليرى مكانه أي ليراه الناس ويعرفوا أنه الشجاع فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كلمة موجوزة ميزانا للقتال فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Et le troisième, c'est celui qui, hein, combat pour qu'on voie sa position, hein, par ostentation. Il veut que les gens le voient et les gens sachent que cette personne, elle est courageuse. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, a balayé ces trois caractéristiques, et il a dit quoi ? Il a dit une parole brève et concise, hein, qui est la balance dans le combat. C'est quoi, pourquoi tu te combats ? Pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, hein, nous disons là que tous ces pseudo-djihad qu'on peut trouver à notre époque sur la terre, ce ne sont pas des vrais djihad. Parce que pourquoi ils combattent ? Ils ne combattent pas pour que la parole d'Allah soit la plus haute, mais ils combattent pour le pouvoir, ils combattent pour l'argent, ils combattent pour, hein, prendre le dessus sur une contrée, etc. Ils ne combattent pas pour que la parole d'Allah soit la plus haute, même s'ils la prononcent avec la langue. Hein? وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذه الثلاثة ليكون أعم وأشمل. لأن الرجل ربما يقاتل من أجل استيلاء على الأوتان والبلدان، يقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من أولاه القوم، والنيات لا حد لها، لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ميزان تام عدل. ومن هنا نعلم أنه يجب أن تعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, lorsqu'il a mentionné ces trois caractéristiques, hein, il a donné une réponse qui est beaucoup plus générale, plus globale, Hein? Car un homme, hein, peut se battre, peut combattre, pourquoi ? Pour prendre le dessus sur certains pays ou sur certaines contrées, hein, pour les prendre, hein, pour les coloniser. Ou alors il peut se battre, hein, pour, hein, une autre raison, pour, par exemple, hein, capturer une des femmes qui appartient à la tribu ennemie. Et les intentions dans le combat, il n'y a pas de limite. Les intentions sont très nombreuses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une balance qui est complète et qui est juste. Qui est quoi ? De combattre pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et à partir d'ici, nous comprenons, mes frères, hein, qu'il est obligatoire de faire attention aux paroles qu'on mentionne, hein, et que beaucoup de gens mentionnent à notre époque. لهجة قوم يقاتلون لقومية القومية العربية والقتال للقومية العربية قتال جاهلي. Parmi ces paroles répandues, ces mauvaises paroles, hein, répandues à notre époque, c'est ceux qui se battent, hein, par nationalisme. Comme par exemple le nationalisme arabe. Hein, ceux qui se battent, là c'est Cheikh Al-Uthaymeen qui parle, qui est un arabe lui-même, hein, et qui contredit et qui condamne ce nationalisme arabe. Hein. Et il dit ici, le nationalisme arabe est un combat de la période pré-islamique. Men qutila fihi falaysa shahidan. Faqada ad-dunya wa khasara al-akhirah. لأن ذلك ليس في سبيل الله القتال لأجل قومية العربية هو قتال جاهلي لا يفيد الإنسان شيئا. Et donc il nous dit Cheikh Al-Uthaymeen ici que celui qui meurt et qui se bat, qui combat par nationalisme arabe, alors lui il ne meurt pas martyr, jamais. Mais plutôt, il a perdu la dunya et il a été perdant dans l'akhira. Hein? Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas battu fi sabilillah. Il ne s'est pas battu dans le sentier d'Allah. Il s'est battu pourquoi? Il s'est battu, hein, pour sa nation arabe. Hein? Et ceci est un combat de la période pré-islamique. Et il ne profite en rien à la personne. Comme certains aujourd'hui en Palestine. Hein, et le Shir le mentionne après justement. ولذلك على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد منها شيئا. فاليهود استولى على بلادنا ونحن تفككنا دغلا في ميزان هذه القومية قوم كفار من النصارى وغير النصارى وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب. فخسرنا ملايين العالم ملايين الناس من أجل هذه القومية ودخل قوم فيها قوم لا خير فيهم قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الغذلان والخسارة. Ici, Cheikh mentionne un exemple, hein, dans le combat pour le nationalisme arabe qui ne profite en rien du tout. Il dit les Juifs, hein, ont pris nos pays. Les Juifs ont pris nos pays comme en Palestine. D'accord ? Mais quand tu vois ceux qui veulent récupérer la Palestine, hein, leur balance, c'est pas la balance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un nationalisme arabe. La Palestine est un pays arabe, on doit récupérer en tant qu'arabe. Et donc, est rentré avec eux dans son combat des kofars, des mécréants, des chrétiens et autres. Et donc, des musulmans sont aussi rentrés qui ne sont même pas des Arabes. Et donc des millions de personnes sont mortes, hein, des millions de personnes ont été tuées. À cause de quoi? À cause de ce nationalisme. Hein? Et dans ce nationalisme, il n'y a aucun bien. Donc aujourd'hui, posez-vous la question. Ceux qui crient matin et soir, hein, libérer la Palestine, pourquoi? Pourquoi tu veux libérer? Pour que la Palestine redevienne un pays arabe, ou parce que tu veux que la parole d'Allah soit la plus haute? Hein? Wallahu al-musta'an. Wa al-lahja al-thaniya قوم يقاتلون للوطن ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه. Le deuxième, hein, la deuxième chose, la deuxième erreur hein, chez les gens à notre époque, c'est ces gens qui se battent pour le pays. Pour le pays. Hein? Et si on combat hein, pour le pays lui-même, alors il n'y a pas de différence entre notre combat et le combat du mécréant qui se bat pour son pays. Hein? Parce que même le mécréant, il va combattre pour son pays. والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس بشهيد. Celui qui meurt parce qu'il défend le pays uniquement, sa seule intention c'est pour défendre le pays, alors il ne meurt pas martyr. Il ne meurt pas martyr. ولكن الواجب علينا ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي ولله الحمد ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا وانتبه للفرق نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا. Et celui donc, comme on a dit, qui meurt en défendant le pays uniquement, c'est sa seule intention, il n'est pas martyr. Cependant, il nous est obligatoire, nous, en tant que musulmans, dans un pays musulman, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala hein, de nous renforcer, de nous garder fermes sur l'islam, il est obligatoire de combattre pour l'islam dans nos pays. On défend nos pays, mais pour la cause de l'islam. Regardez bien la différence. On ne défend pas le pays pour le pays. On défend le pays pour l'islam qu'il reste dans le pays. Vous avez la différence énorme. La différence, elle paraît petite, mais elle est énorme. أما مجرد الوطنية فإن نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئا ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأن الوطن لأنه من أجل الوطن لأنه وطن. Et donc ici le fait de se battre uniquement pour le pays, uniquement pour le pays, c'est une intention qui est fausse, corrompue et qui ne profite en rien à la personne. Il n'y a pas de différence entre la personne qui va dire je suis musulman et celle qui est mécréante. Yani leur combat c'est le même, c'est pour le pays et non pas pour l'islam. Wa ma yuthkar min anna hubb al-watan min al-iman wa anna dhalika hadith an rasulillah sallallahu alayhi wasallam kadhibun. Hein, est-ce qu'on entend souvent hein, certaines personnes ils le disent souvent ça. Ils disent quoi? L'amour du pays fait partie de la foi. Hubbul watan min al-iman. Je ne sais pas s'ils disent ça ici, hein, mais dans les pays arabes, ils le disent. Hubbul watan min al-iman. Et ils prétendent que c'est un hadith. L'amour du pays, ça rentre dans la foi. Ceci est un hadith mensonger. C'est un hadith mensonger qui n'est pas authentique. حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه إسلامي ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه. Et l'amour du pays. Si c'est un pays musulman ou de l'islam, alors tu dois l'aimer parce qu'il est musulman, parce que c'est un pays islamique. Et il n'y a pas de différence entre ton pays dans lequel tu es né et le pays qui se trouve à l'autre bout de la terre parmi les pays musulmans. Tous ces pays sont des pays musulmans dont il est obligatoire de préserver. D'accord ? Là, quand on défend le pays, On défend le pays pas pour le pays en lui-même. On défend pour l'islam qui se trouve dans le pays. Et pour que l'islam reste dans ce pays. Ici, maintenant, il va parler du combat de défense. Hein, comme il explique à l'ulama, le qital, le combat est de deux types. Qital ou talab, qital ou ad-difa'. C'est-à-dire le combat de défense et le combat d'attaque, qu'on pourrait dire. لو أن أحدا صال عليك في بيتك يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلا فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقد سئل عن الرجل يأتيه الإنسان ويقال له أعطني مالك قال لا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار والحديث أخرجه الإمام مسلم. Donc le combat de défense, hein, si quelqu'un vient chez toi, hein, quelqu'un, un brigand vient chez toi et veut prendre ton argent, ou il veut atteindre l'honneur de ta famille, hein, par exemple, alors tu le combats, hein, tu le combats, car ceci est l'ordre que t'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, contrairement à certaines personnes dans d'autres religions qui disent si on te frappe la joue, tends l'autre joue. Non. Si on vient chez toi pour voler ton argent, pour bafouer l'honneur de ta famille, ou pour te faire du mal, etc., tu le combats. Car il a été questionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant un homme qui est attaqué par une autre personne, qui vient chez lui et qui lui dit « Donne-moi ton argent !» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne lui donne pas ton argent !» Alors cet homme lui dit « Et vois-tu, s'il me combat ?» Alors il a dit « Combat-le !» Il dit « Vois-tu, s'il me tue ?» Hein, s'il me tue ? Alors il dit « Tu meurs martyr, Allahu Akbar !» Si tu es chez toi, on t'attaque, tu te défends et tu meurs martyr. Et vous savez la place des martyrs, hein, dans l'islam, elle a une haute place. Ma'an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Avec les prophètes et les véridiques et les martyrs. La place de martyr est énorme en islam. Et il dit, vois-tu si c'est moi qui le tue? Si c'est moi qui le tue, si on se combat et c'est moi qui tue la personne. Alors il a dit, lui, il est au feu. Lui, il est au feu de l'enfer, comme l'a rapporté l'imam muslim. لِأَنَّهُ مُعْتَدٍ ظَالِمٍ. Pourquoi il est au feu de l'enfer? Parce que c'est un criminel, oppresseur. حَتَّ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا. Même s'il est musulman. إِذَا جَاءَكَ الْمُسْلِمُ يُرِيدُ أَنْ يُقَاتِلَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ بَلَدِكَ أَوْ مِنْ بَيْتِكَ فَقَاتِلُهُ. Même s'il est musulman. Si un musulman vient chez toi afin de te combattre, pour te faire sortir de ton pays, ou pour te faire sortir de ta maison, alors combat-le. فَإِنْ قَتَّلْتُهُ فَهُوَ فِي النَّارِ. Si tu le tues, alors lui, il est au feu de l'enfer. وَإِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ. Et s'il te tue, alors toi, tu es martyr. وَلَا تَقُلْ كَيْفَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا. Ne dis pas, comment je peux tuer un musulman. فَهُوَ الْمُعْتَدِي. C'est lui le criminel. C'est lui l'oppresseur, celui qui attaque. وَلَوْ كَتَّفْنَا أَيْدِيَنَا أَمَامَ الْمُعْتَدِينَ الظَّالِمِينَ الَّذِي لَا يَلْقَبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّا وَلَا دِينًا لَكَانَ الْمُعْتَدُونَ لَهُمْ سُلْطَةً وَلَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاعِهَا ولذلك نقول هذه المسألة ليست من باب قتال الطلب. Parce que c'est lui qui t'attaque, c'est lui le criminel. Et si on avait laissé faire, si on n'avait pas le droit de se défendre, on doit le laisser faire, prends, allez, prends tout. Qu'est-ce qui serait passé? Il serait passé que tous ces criminels, tous ces voleurs, tous ces vauriens, hein, ils auraient pris le contrôle de la société. Hein, ils auraient pris le dessus sur tout le monde. Et ils auraient propagé la corruption sur terre. Voilà pourquoi on dit dans ce sujet, hein, ici, c'est un combat de défense et non un combat d'attaque. فقتال الطلب معلوم أنني لا أذهب قاتل مسلما أطلبه ولكن أدفع عن نفسي ومالي وأهلي ولو كان مؤمنا مع أنه لا يمكن أبدا أن يكون شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدا. Il dit, il est connu, hein, que on ne va pas aller combattre un musulman comme ça de notre plein gré, mais on va se défendre, on va défendre notre propre personne, on va défendre notre argent, nos biens, on va défendre nos familles, même si celui qui s'attaque est un croyant. Malgré le fait, ici nous dit le Shir, il n'est pas possible, hein, que cette personne ait de la foi et qu'elle attaque un musulman et qu'elle essaye de prendre le dessus sur cette personne afin de prendre sa famille ou de prendre ses biens. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا إيمان الإنسان يقاتل المسلمين إطلاقا فإذا كان الرجل فاقدا الإيمان فاقدا الإيمان أو ناقص الإيمان فإنه يجب أن نقاتله دفاعا عن النفس وجوبا. Hein? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi, hein? Le fait d'insulter un musulman, c'est une perversion, et le fait de le combattre, c'est une mécréance. Donc il n'y a pas de foi dans la personne qui va combattre son frère musulman. Et donc si cette personne a perdu la foi ou si sa foi est diminuée, il est obligatoire de la combattre, de se défendre et de se défendre sa propre personne contre cette personne. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله وقال إن قتلته فهو في النار. Pourquoi le prophète a dit quoi? Combat-le. Il a dit combat-le, il n'a pas dit tant l'autre joue. Hein? Et s'il te tue, alors il est au feu de l'enfer. وإن قتلك فأنت شهيد. Si tu le tues, alors lui il est au feu de l'enfer. Et si c'est lui qui le tue, qui te tue, alors tu es martyr. Pourquoi? Parce que tu as combattu pour défendre tes biens, pour défendre ta famille, pour défendre ta propre personne. والحاصل هناك قتالين. قتالا للطلب أذهب أنا أقاتل الناس مثلا في بلادهم هذا لا يجوز إلا بشروط معينة. D'accord, donc on a dit que le combat, il est de deux types. Le combat d'attaque et le combat de défense. Le combat d'attaque, hein, c'est qu'on sort nous-mêmes, hein, on sort et on va attaquer par exemple des gens dans un autre pays. Ça, c'est pas permis, excepté avec des conditions bien précises. Hein, excepté avec des conditions bien précises qui ne sont pas du tout réunies à notre époque. Hein. Donc ça vient annuler tous les pseudo-djihad, hein, qu'aujourd'hui, hein, les fatigués, les égarés ont prétendu, hein, comme en Syrie et dans tous les pays, hein, où ces gens sont partis se battre. Ça, c'est pas le djihad légiféré, hein, tout ce qui est Daesh, Al-Qaïda, Nusra, etc., tous ces groupes Boko Haram, hein, tous ces groupes égarés, ce n'est pas le djihad légiféré. Wallahu al-musta'an. نعم ونرجو منكم أن تنتبهوا على هذه المسألة لأننا نرى في الجرائد والصحف الوطن وليس فيها ذكر للإسلام وهذا نقص عظيم يجب أن توجه الأمة إلى النهج والمسلك الصحيح ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه آمين. Et dit ici, j'espère, on espère hein, que vous faites très attention à ce sujet. J'espère que vous faites très attention à ce sujet. Car aujourd'hui, on voit dans les journaux, à la radio, à la télévision, tout le monde dit le pays, le pays, le pays. Hein? Et on n'entend jamais l'islam. On n'entend jamais l'islam. Et ça, c'est valable dans tous les pays. Regardez dans tous les pays quand il y a la révolte. Hein? Depuis cette révolte, hein, le fameux printemps arabe, entre guillemets, comme ils l'appellent, hein? Quand ces gens se sont révoltés en Égypte, en Tunisie, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Irak, etc. Ils sont sortis pourquoi ? Al-Watan, Al-Watan, le pays, le pays. Personne n'est sorti, Al-Islam, hein? Personne n'est sorti pour dire la parole d'Allah la plus haute. Même aujourd'hui, hein, quand les gens sortent aujourd'hui dans la rue, dans notre pays, est-ce qu'ils sortent pour l'islam ? Jamais. Ils ne sont pas pour que l'islam soit plus fort, soit plus haut. Donc ça, c'est quelque chose de très dangereux, il faut faire très attention. Pour, voilà pourquoi le Shir nous mentionne ici hein, le fait de faire très attention à cela. Ensuite, le hadith numéro 9, je ne sais pas si on aura le temps de le finir. « Wa an Abi Bakr Nufay' ibn al-Harith » الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق عليه. Le neuvième hadith est rapporté par Abu Bakra. J'ai dit Abu Bakra. Est-ce que j'ai dit Abu Bakr? Non. Abu Bakra. Ou si vous voulez qu'on continue, hein, Abu Bakra. C'est pas Abu Bakr. Abu Bakra. Abu Bakra était un sahabi qui s'appelait Nufay'a. Hein, et il s'est converti en quelle année ou en quelle bataille? Bataille de Khaybar. À la bataille de Khaybar. Et il faut savoir qu'à Khaybar, les musulmans ont attaqué Khaybar, qui était une ville où se trouvaient beaucoup de juifs. Et qui était une ville fortifiée, c'est-à-dire qui était composée de forts. De forts, hein, de châteaux, de citadelles, appelez-le comme vous voulez. Donc les musulmans attaquaient fort par fort, château par château. Et lorsqu'ils avaient encerclé, assiégé un château, ils ont proposé hein, aux habitants du château de sortir. De se convertir, le sortir, ils auraient la vie sauve. Et donc parmi ceux-là, qui est sorti? Abu Bakr. Et comment il est sorti du château? En se glissant avec une poulie. Vous connaissez la poulie hein, qui, comme ça, qui sert à quoi? Avec la corde. On le met sur la corde et ça roule. Comme une roue. On appelle ça une poulie en français. En wolof, on appelle ça comment? Poulie. Hein? Poulie, hein? Taïm, en arabe, comment on appelle en arabe? Vous savez pas? Bakra. On l'appelle Bakra. Voilà pourquoi il a été appelé Abu Bakra. Abu Bakra, parce qu'il est descendu sur la poulie. Radiallahu anhu. Abu Bakra est un grand compagnon, mes frères. Abu Bakra, c'est lui le compagnon qui a rapporté quoi? C'est lui qui est rentré un jour dans la prière. Et les musulmans étaient en train de prier, ils étaient en recours. Quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en recours, en dehors du rang. Et après, il a avancé jusqu'à atteindre le rang. Vous connaissez ce hadith? Non? C'est comme ici, si on priait. Hein? Donc il y a le premier rang. L'imam dit Allahu Akbar, tout le monde est en recours. Quelqu'un rentre ici, au niveau de la porte, il ne veut pas rater la raka. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en recours, ici à la porte. Et ensuite, il avance doucement pour atteindre le rang. Abu Bakr l'a fait. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui a fait ça? Car vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a donné un miracle. Quel était ce miracle? Il pouvait voir ce qui se passait derrière lui dans la prière. Il pouvait voir ce qui se passait derrière lui dans la prière. Alors Abu Bakr il a dit c'est moi. Alors il a dit ne recommence pas. Il a dit ne recommence pas. Ne recommence pas quoi? Les ulema, les savants ont divergé. Certains ont dit ne recommence pas. Yani, ne recommence pas à te mettre en recours avant le rang. Ce qu'on pourrait penser. D'autres ont dit non. Ne recommence pas, yani, ne recommence pas à venir en retard à la prière. Et comment on va comprendre le hadith ? On va comprendre le hadith par un autre hadith de Abu Bakr lui-même. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné que Abu Bakr a refait la même chose. Ce qui nous prouve quoi ? Ce qui nous prouve que Abu Bakr avait compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne recommence pas, il ne recommence pas en retard. Parce que de venir en retard. Parce que sinon, il n'aurait pas refait ce qu'il a fait, c'est-à-dire se prosterner ou s'incliner avant le rang. Non ? Parce que le prophète lui dit ne recommence pas. Ok ? Et donc, le sahabi qui a vécu le hadith, c'est lui qui est le plus apte à comprendre le hadith. D'accord ? Voilà pourquoi certains ulema, et dont Shir al-Albani, par exemple, rahimallahu ta'ala, mentionne qu'il est permis, si tu rentres et tu as peur de rater la raka, de te mettre en inclinaison et ensuite de marcher jusqu'au rang. Donc si tu vois quelqu'un faire ça, hein, ne sois pas étonné ou ne sois pas dur avec lui. C'est permis. Et la preuve que c'est permis, c'est quoi ? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de recommencer la prière ? Non. Ce qui prouve que quoi ? Ce qui prouve que sa prière était valide. Malgré le fait qu'il s'est incliné avant le rang. Regardez, subhanallah, hein, les ulema, comment ils ont décortiqué les hadiths. Ils ont retiré les jugements. Et moi, il en est sorti complètement du sujet, mais c'est que je voulais vous mentionner l'histoire de ce sahabi, Abu Bakr. Et Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah ta'ala, il a un épître, il a un petit livre sur la défense de Abu Bakr, Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi, radiyallahu anhu. Donc il rapporte Abu Bakr que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si deux musulmans se rencontrent avec leur épée, alors celui qui tue et celui qui est tué sont au feu de l'enfer. Celui qui tue et celui qui est tué sont au feu de l'enfer. Alors Abu Bakr a dit: ô messager d'Allah, regardez le adab, hein, regardez le comportement. Ya Rasulallah, celui qui tue le tueur, d'accord, mais pourquoi celui qui est tué? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était enclin à tuer son compagnon. Quand il a pris son épée pour combattre l'autre, même si c'est lui qui est tué, il voulait tuer l'autre, n'est-ce pas ? Non. Et le hadith est muttafaqun alayh. فقوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما أي يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر. فسل عليه السيف وكذلك لو أشر عليه السلاح كالبندقية أو غيرها مما يقتل كحجر أو نحوه. Donc ici il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si deux musulmans se rencontrent avec leur épée, yani chacun des deux, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tuer l'autre, lorsqu'il sort les épées, ils veulent tuer l'autre, d'accord? Mais ici, il a mentionné les épées, mais ça peut être n'importe quelle autre arme. Ça peut être un revolver ou n'importe quelle arme avec laquelle tu tues, ou même des pierres. Chacun prend une pierre, il veut éclater la tête de l'autre. Il veut le tuer. Donc ça rentre, il rentre dans ce hadith. فَذِكْرُ السَّيْفُنَا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّعِيِّنِ. Le fait qu'il a mentionné l'épée ici, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est spécifique à l'épée. فَهِمْتُمْ. بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. Mais si deux musulmans se rencontrent avec un moyen par lequel ils vont tuer l'autre, alors si un فقتل أحدهما, pardon, je me suis trompé dans la lecture, فقتل أحدهما الآخر أو فقتل أحد فَقَتَلَ أَحَدُهُمَ الْآخَرَ, un des deux a tué l'autre, alors le meurtrier et celui qui a été tué seront dans le feu de l'enfer, والعياذ بالله. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل، يعني أن كونه في النار واضح لأنه قتل نفسا مؤمنا متعمدا، والذي يقتل نفسا مؤمنا متعمدا بغير حق فإنه في النار جهنم. Et Abu Bakr, il n'a pas compris. Il a dit d'accord, le meurtrier. Et il a dit ça parce que c'est clair que le meurtrier, il est au feu. Hein, parce que celui qui tue une âme, celui qui tue une personne croyante de façon délibérée, hein, alors il ira au feu. قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤهم جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et celui qui tue un croyant de façon délibérée, sa rétribution sera le feu de la Jahannam. Khalidan, hein? Pour toujours. Hein? Pour toujours il sera dedans. Et Allah, hein, est en colère contre lui, et il a sa maladie, la malédiction d'Allah sur lui, et lui a préparé un châtiment énorme, immense. Attention ici, j'aimerais attirer votre attention. Hein, sur verset, car ce verset, hein, Al-Khawarij l'utilise, Wal-Mu'tazila, Al-Khawarij, ceux qui rendent mécréants les musulmans, il utilise ce verset pour dire quoi? Pour dire que celui qui tue, même s'il est musulman, il est kafir, il devient mécréant. C'est à dire que pour eux, si tu fais un grand péché, tu es mécréant, tu vas en enfer pour l'éternité. Et bien sûr, ceci est contraire à la, hein, à la croyance des gens de la sunna. Les gens de la sunna, hein, dont leur croyance est tirée justement du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que celui qui fait un grand péché, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il lui pardonne. Si Allah le veut, il le châtiera à un moment donné en enfer. Puis ensuite, il le mettra au paradis et il fait partie des gens du tawhid. D'accord? Ça, c'est pour celui qui a fait un grand péché en dessous du shirk, bien sûr. Mais là, ils vont vous dire, regarde, celui qui a tué un croyant de manière délibérée, sa récompense est la Jahannam, hein, éternellement dedans. Khalidan fiha. Al-Ulema, les savants du tafsir, bien sûr, ont expliqué ce verset. Et ils ont donné plusieurs explications sur ceci. Et une des meilleures explications, c'est celle d'Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, dans son livre Madarij al-Salikin. Il explique, hein, pour résumer, que ici, hein, c'est le jugement, hein, mais il n'est pas pris en compte s'il y a un autre texte qui vient le conditionner. Et il y a d'autres textes qui viennent conditionner cela. Comme quoi? Comme le fait que celui qui fait tawba, hein, il est pardonné. Celui qui fait tawba d'un péché, c'est un repentir sincère, Allah le pardonne. Alors celui qui tue et qui se repent sincèrement auprès d'Allah, est-ce qu'il va aller en enfer éternellement? Jamais. Également, les textes sont très nombreux pour dire que les gens du Tawhid ne seront jamais éternellement en enfer. Donc c'est un texte qui vient conditionner ce verset. Et pour dire que celui qui tue mais qui fait partie des gens du Tawhid ne sera pas éternellement en enfer. Également, le fait, hein, de subir la sentence dans la dunya, hein, dans la dunya, tu subis la sentence de ton crime. Ça te purifie de ton crime. Hein, et on l'avait déjà mentionné, celui qui tue un être humain de façon délibérée. Hein, il y a trois possibilités. La famille de la victime peut pardonner. Hein, peut pardonner. Et dans certains cas, c'est le mieux de pardonner. Comme on l'avait cité auparavant au début du livre, je ne sais pas si vous vous rappelez, pas dans ce livre, mais dans un autre livre qu'on a fait avant. Il peut pardonner. Si la famille de la victime dit non, il a tué notre fils, notre frère, notre oncle, on ne veut pas le pardonner. Deuxième possibilité, c'est quoi? Il paye le prix du sang. Le criminel paye le prix du sang. Et il paye un certain montant à la famille de la victime. La famille de la victime dit non, on ne veut pas le prix du sang. Alors quelle est la troisième possibilité? Al-Qisas. Yani, comme on appelle en français, la loi du talion, c'est-à-dire qu'on tue la personne. On tue cette personne. Ainsi est la charia. Bien sûr, celui qui tue, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas le voisin, hein, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur qui doit appliquer les sentences. Hein, parce que imaginez-vous, hein, tout le monde applique comme ça les lois, chacun dans son côté, ça serait l'anarchie. Hein. المهم فأبو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القاتل وهذه الجملة هي ما يعرف في باب المناظرة بالتسليم يعني سلمنا أن القاتل في النار فما بال المقتول كيف يكون في النار وهو المقتول donc Abu Bakr ici l'a demandé il a pas compris hein, sa question c'était pour comprendre il dit ok on est d'accord que le meurtrier il va en enfer mais pourquoi celui qui est tué va en enfer il a voulu l'explication فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على قتل صاحبه et le prophète lui a expliqué il a dit parce que cette personne hein, elle était enclin à tuer son compagnon فهو حريص على قتل صاحبه ولهذا جاء بآلة القتل بآلة القتل ليقتله il voulait tuer son compagnon c'est pour ça qu'il a sorti son épée ou n'importe quelle arme pour le tuer d'accord فيكون هذا ولعذ بالله بنيته القتل وعمله السبب الموصول للقتل وعمله السبب الموصول للقتل يكون كأنه قاتل hein? donc lui son intention c'était de tuer l'autre hein? il a tout fait il a tout mis en cause il a mis les causes il a fait les causes hein? pour arriver à tuer cette personne à l'autre d'accord mais c'est l'autre qui l'a tué en premier bismillah طيب juste on finit très rapidement le hadith comme ça on pourra enchaîner la prochaine fois sur le prochain hadith ففي هذا الحديث دليل على أن الأعمال بالنيات وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك donc dans ce hadith il y a une preuve que quoi il y a une preuve que les actes ne valent que par leur intention pourquoi parce que cet homme il a eu l'intention de tuer son camarade Et avec cette intention-là, hein, il est devenu comme celui qui a tué. Hein? Comme si c'était lui le tueur. وبهذا نعرف الفرق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. Et donc avec ceci, on comprend la différence entre ce hadith Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui est tué hein, pour défendre sa propre personne, il meurt martyr. » Ou « Celui qui est tué pour défendre ses biens, il meurt martyr. » Et « Celui qui est tué pour défendre hein, sa famille, il meurt martyr. » Comme l'a rapporté Abu Dawud et autres, et authentifié par Shir al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. « Wa qawluhu fi man ata liya'khudha malik » إن قتلته فهو في النار وإن قتل وإن قتلك فأنت شهيد. Hein? Et aussi le hadith hein, de celui qui est venu pour prendre tes biens. Si il te tue, alors il est. Si tu le tues, il est au feu de l'enfer. Et si c'est toi qui te tue, et si c'est lui qui te tue, pardon, hein, c'est tu meurs martyr. C'est quoi la différence entre ces deux hadiths et le hadith ici entre les deux qui veut se tuer? C'est quoi la différence? Al-Niyya. Quand tu veux combattre avec ton frère, tu as l'intention de le tuer, oui ou non? Oui, et tu veux le tuer, lui, hein, vous avez une arme chacun. Mais quand tu défends tes biens, quand tu défends ta famille, est-ce que ton intention c'est de tuer cette personne? Non, tu te défends. Tu défends ta propre personne ou tu défends hein, tes biens ou ta famille. Vous avez vu la différence? Et c'est quoi la différence? C'est seulement an-niyya, l'intention. وذلك أن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه إنما دافع رجلا معتديا صائلا لا يندفع إلا بالقتل فهنا إذا قتل الصائل كان في نعم فهنا إذا قتل الصائل كان في النار وإن قتل المدافع كان شهيدا في الجنة فهذا هو الفرق بينهما D'accord ? Donc l'homme, s'il défend ses biens, sa famille, sa propre personne, son honneur, hein, s'il le défend face à un homme oppresseur, un criminel, hein, alors c'est une défense, hein, c'est une défense. Et il peut se défendre que par le fait de tuer l'autre. Hein. Et donc si le criminel, l'oppresseur hein, est tué, alors il ira au feu de l'enfer. Et si c'est celui qui se défend qui est tué, il est mort martyr. Donc vous voyez maintenant la différence entre les deux situations. فَبِيَذَا عُلِمَا أَنَّ مَنْ قَتَلَ أَخَاهُ مُرِيدًا لِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ فِي النَّارِ وَمَنْ قَتَلَهُ أَخُوهُ وَهُوَ يُرِيدُ قَتْلَ أَخِيهِ لَكِنْ عُجِزَ فَالْمَقْتُولَ أَيْضًا فِي النَّارِ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Et donc si on sait, hein, et donc on comprend de ceci que celui qui tue son frère en voulant, hein, le tuer, alors il est au feu de l'enfer. Et celui, hein, qui est tué par son frère, mais que lui voulait le tuer, alors, mais qu'il a été empêché parce que l'autre l'a tué en premier, alors lui aussi il est au feu de l'enfer. Hein, c'est-à-dire que le tueur et la victime sont au feu de l'enfer parce qu'ils avaient la même intention. Hein? Ça va être juste. Hein? وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله. Également, on a dans ce hadith une preuve de la très grave ou de la gravité énorme du meurtre, et que le meurtre est d'une cause pour rentrer en enfer, qu'Allah nous en préserve. وفيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوردون على الرسول الشبهة. Ça c'est très important aussi. On voit dans ce hadith, il y a une preuve que les sahaba, hein, ils avaient l'habitude de questionner le prophète lorsqu'ils avaient une ambiguïté, afin qu'il leur réponde. Et c'est pour ça, mes frères, hein, qu'on ne trouve pas dans le Coran ou dans la Sunna une ambiguïté, une réelle ambiguïté, sans qu'on a trouvé la solution à cette ambiguïté. Que la solution soit elle-même dans le Coran ou la Sunna, sans qu'elle ait été questionnée, ou alors que les sahaba ont questionné le prophète afin qu'il réponde à cette ambiguïté. Un exemple. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما اليوم الأول كالسنة والثاني كالشهر والثالث كالأسبوع وبقية الأيام كأيامنا سأله الصحابة فقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كالسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد قال لا أقدر له قدره. On termine avec ceci, hein? L'exemple de ceci, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés que le Dajjal, hein, le Dajjal viendra à la fin des temps et il va rester sur la terre pendant 40 jours. Le premier jour est comme une année, le deuxième jour comme un mois, le troisième jour comme une semaine et les autres jours comme nos jours à nous. Alors les sahaba, ils ont posé une question. Regardez les sahaba, ambiguïté, ils demandent direct au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quoi l'ambiguïté? Ils ont dit, ya Rasulallah, le jour qui va être comme une année, est-ce qu'on se suffit de faire les prières que d'un jour? Regardez, le prophète a dit, un jour c'est comme une année. Ok, est-ce qu'on prie 5 prières comme un jour, ou comment on fait? Alors le prophète va dire, uqduru lahu qadrahu. C'est-à-dire, non, yani, c'est un jour, il va être un jour, mais il va être comme une vraie année. Donc ça veut dire que vous allez prier comme vous priez pendant un an. Mais vous allez le faire en un jour. D'accord? Donc dès qu'ils ont eu l'ambiguïté, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il les a clarifiés. Donc dans le Coran et la Sunna, il n'y a pas d'ambiguïté sans qu'elle ait été clarifiée. Soit par le Coran et la Sunna eux-mêmes, ou soit lorsque les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de clarification. Et avec ceci on s'arrête, inshallah, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.